consulat d'Algérie pour aller voter. Ma question est-il permis de voter? Si oui, comment pouvez-vous pouvons-nous voter pour des candidats que nous ne connaissons pas? Il faut agir. Il n'est pas interdit de voter. Il n'est pas interdit de voter. Surtout, si on ne vote pas avec le cœur. Car le messager d'Allah a dit que toute personne qui mourrait et qui resterait une nuit sans avoir fait l'allégeance à un gouvernement musulman, cette personne-là mourrait sans la djihadia. Mourrait une mort de djihadia. Comment voter sur des personnes, des candidats qu'on ne connaît pas, hein? On ne vote que sur la personne sans qu'on connaît. C'est-à-dire, hein? On va demander quelle est la meilleure de ces 3 ou 4 ou 5 personnes qui se sont présentées au vote. On va demander aux hommes de science et on demande aux gens fiables, hein? Quelles sont les personnes qui sont les plus aptes à être sur lesquelles on doit voter, hein? Par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on fait, mais il n'a pas d'âge. Maintenant, s'il n'y a qu'une personne qui va se présenter, une musulmane, ça va bien sûr, il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle à choisir. Mais à qui demander? J'ai dit, on demande aux hommes de science, par exemple. Non, on demande aux hommes de science quel est, par exemple, parmi ces deux candidats, quel est celui des deux qui est le plus proche à l'islam, par exemple. Quel est entre ces deux candidats, celui qui, s'il vient, hein, il va y aller laisser l'islam ou bien propager l'islam plus que l'autre. Et c'est la route libre aux musulmans plus que l'autre. C'est comme ça. Non. Allah Ta'ala a'lam. Elle dit d'après vous. Avant cela, je voudrais dire à la sœur Ortfida 13, est-ce que, je voulais d'abord te poser la question, est-ce que toi aussi, ou là, vous aussi en France, vous allez choisir entre les 6 qu'il y a ici, les mêmes en Algérie, c'est-à-dire Ortfida et 4 ou 5 autres? Est-ce que c'est ça ta question? Si oui, j'attends ta réponse. Naam, les mêmes personnes. Je ne sais pas. Elle a dit je ne sais pas. Naam, si c'est comme en Algérie, je préconise à cette sœur, naam, qui s'est présenté. Non, si c'est comme en Algérie, donc il y a 5 ou 6 personnes qui vont se présenter, Bidna Ta'ala. Et je recommande à cette sœur, Bidna Ta'ala, de voter sur quelqu'un qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, qui est lui-même, qui est maintenant de nos jours président. Non. Je conseille à cette sœur de voter sur le président qui est de nos jours, qui s'appelle. Voilà, l'ancien, non, qui est de nos jours, s'appelle Abdelaziz Bouteflika, car c'est le meilleur des 6 qui se sont présentés, bi-idhnillahi ta'ala. Non, on passe à l'autre.